Exercice 6, page 64. A. Elle en veut deux. B. Tu veux des œufs? C. Il pleut jeudi? D. Voilà pour vous. E. Merci pour tout. F. J'en fais toujours.